Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon au micro de CKRL 89.1 et bienvenue à Futur Simple, votre rendez-vous d'actualité et de culture scientifique. Après une pause estivale, Futur Simple entame, imaginez-vous, sa 30e saison, parce que rappelons que l'émission a vu le jour en septembre 96 à l'initiative de Marianne Kugler, qui était professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval. C'était un projet pour favoriser l'accès à la culture et à la recherche en sciences auprès des citoyens de la ville de Québec et aussi de formation des journalistes scientifiques. Alors évidemment, ce projet de recherche a pris fin, mais par la suite, des dizaines d'animateurs et de chroniqueurs et d'invités se sont succédés au micro et plusieurs voix pour maintenir l'émission en vie. Et plusieurs voix familières reviendront cette année, notamment Marianne Falard de Côté, Jean-René Roy, Daniel Filion, Mathieu Riopel, Maxime Cusic, André Desrochers et bien d'autres encore pour parler de cerveau, d'univers, d'oiseaux, d'histoire des sciences ou de sciences nordiques. Parce qu'en science, en fait, vous l'aurez sans doute déjà remarqué, les sujets ne manquent jamais. Et encore cette année, bien je serai en compagnie de Samuel Lauzon. Bonjour Samuel. Bonjour Valérie. Je suis vraiment contente que tu sois à nouveau à mes côtés cette année. Ben oui, une autre année, la 30e en plus, il y a un petit quelque chose de spécial. C'est ça, hein, quand même, quand on y pense, c'est assez, c'est presque vertigineux d'imaginer le nombre de chroniqueurs, d'animateurs qui se sont succédés au micro de cette émission depuis 30 ans, depuis tout ça 30 ans. Bénévolement. C'est quand oui, même tout à fait. Assez remarquable. Alors, pour ma part, en deuxième partie de l'émission, je vais parler de la vision des UV par les oiseaux. Mais pour le moment, et comme le veut la tradition, pour notre première émission, Samuel, tu nous as préparé un survol des nouvelles scientifiques que nos auditeurs et auditrices ont peut-être manqué cet été pendant qu'ils profitaient de la plage, du jardin ou d'un voyage. Oui, exactement. Hein? Parce que comme on dit, la science, elle, ne prend jamais de vacances. Hein? J'ai rassemblé donc des découvertes qui m'ont frappé cet été. Je dirais que je suis resté quand même assez positif. Je trouvais que ça faisait du bien. Donc, c'est, en général, c'est quand même des bonnes nouvelles, des découvertes, des choses positives. Alors, quelles sont justement les actualités qui t'ont le plus marqué cet été? Ben, pour commencer, faisons un petit tour dans l'espace avec Solar Orbiter, la sonde de l'Agence spatiale européenne en collaboration avec la NASA. Elle a réussi un véritable exploit à observer directement le pôle sud du Soleil depuis un orbite incliné là, hors du plan habituel des planètes. Et en quoi c'est important de voir le pôle sud du Soleil? Ben, jusqu'ici, nos sondes là, regardaient toujours le Soleil de face. C'est un peu comme si on essayait de comprendre la Terre en la voyant seulement de l'équateur. Les régions polaires sont cruciales. C'est là que se forment là, les champs magnétiques à l'origine des tempêtes solaires, là, responsables entre autres des magnifiques aurores boréales, mais aussi des perturbations parfois plus coûteuses là, et plus dommageables, les perturbations là, aux satellites puis aux réseaux électriques. Mais pourquoi ça n'avait jamais été fait auparavant? Parce que c'est quand même pas récent qu'on en voit des sondes, observer le soleil? Bien, pour observer le soleil, si on veut, de par-dessus, la sonde devait s'incliner progressivement, là, devait incliner progressivement son orbite par rapport au plan, justement, où se déplacent normalement les planètes. Changer ainsi l'inclinaison uniquement avec ses moteurs aurait exigé là, une quantité de carburant là, impossible là, à envoyer comme ça avec la sonde en orbite. Les ingénieurs ont donc choisi la technique de l'assistance gravitationnelle, c'est-à-dire qu'en passant très près de Vénus sur une trajectoire calculée là au millimètre, la sonde a utilisé la gravité de la planète comme un peu une fronde, en modifiant son orbite sans consommer beaucoup de carburant. Dans le fond, depuis 2020, Solar Orbiter a enchaîné là, plusieurs vols comme ça là, de Vénus en gagnant un peu d'inclinaison à chaque fois, jusqu'à environ 17 degrés en 2025, ce qui a permis justement cet été la photographie du pôle sud du Soleil. Mais là, il devrait continuer à en faire jusqu'en 2030 pour atteindre 33 degrés, offrant encore une vue là, encore plus de détails là, sur le pôle solaire. Le résultat, ben, c'est des images là, inédites de la calotte solaire qui vont aider les scientifiques à mieux comprendre là, le cycle magnétique là, de 11 ans et de prévoir l'activité solaire qui ont des enjeux, comme je disais, là, pour notre technologie. Là. C'est marrant parce que j'aurais jamais imaginé que notre étoile pouvait avoir un pôle sud ou un pôle nord. C'est quelque chose qui m'était pas venu à l'esprit. Puis c'est toujours fascinant de voir l'ingéniosité et les connaissances déployées pour améliorer notre compréhension de l'espace. D'ailleurs, je crois que tu as une deuxième découverte marquante dans ce domaine à nous partager. Oui, absolument. On va rester dans l'exploration spatiale, mais on va quitter le Soleil puis on va se concentrer sur Mars avec le rover Perseverance qui explore le cratère G0, là, je ne sais pas si je le prononce bien, depuis 2021. Elle a fait une découverte intrigante, une roche parsemée de motifs irréguliers, un peu comme des taches là, léopard ou des grains de pavot, là, tout dépendant de qui l'observe. Là. Ces roches sont des mudstone, donc mud, là, boue, stone, roche. C'est une argile vieille d'environ 3,5 milliards d'années, formée dans le fond d'un ancien lac. Ouais, je crois que j'en ai entendu parler de cette découverte-là, mais tu piques quand même ma curiosité avec ces taches, parce qu'en fond, je n'ai pas entendu spécialement ce que c'était. Donc, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces taches? Ben, ce qui intrigue les scientifiques, là, c'est qu'il y a des petites marques claires qui parsèment les roches plus sombres. Puis les analyses de persévérance montrent qu'ils pourraient provenir d'une réaction entre la boue puis la matière organique. Sur la Terre, ce genre de réactions-là sont souvent associées à une activité microbienne, là, entre autres les géobactères, là, qui sont des microbes. C'est ça. Donc, on parle pas nécessairement d'une preuve de vie, mais la NASA, les spécialistes, dans le fond, ils parlent d'une biosignature potentielle. Dans le fond, un indice fort d'activités probablement passées. Cependant, bon, les chercheurs sont toujours prudents, puis ils évoquent donc deux autres scénarios, un apport par un météorite, par exemple, un apport de matière, ou la formation, là, une formation purement géologique, là, dite abiotique, là, sans intervention microbienne. Et maintenant, ben, comment on pourra savoir si ces roches se sont vraiment formées par un processus biologique ou non? Ouais, ben la confirmation là d'une hypothèse là de cette hypothèse là qu'on attend depuis vraiment longtemps, là, on veut savoir s'il y a de la vie à quelque part d'autre que sur la Terre. Ben ça va demander que les échantillons reviennent sur Terre pour faire pour faire des tests là plus poussés, donc des techniques isotopiques, des stéréoscopies à haute précision, ça permettrait de trancher là vraiment la provenance. Perseverance a déjà stocké des échantillons de roches dans des tubes scellés. Toutefois, la mission de retour là des échantillons est menacée par les coupures budgétaires là, de l'administration Trump là qu'on entend beaucoup parler. Petite lueur d'espoir, la Chine envisage aussi une mission sur Mars pour rapporter des échantillons en 2028. Donc, c'est pas si loin que ça, 2028, quand on sait tout le travail qu'il y a, tout le développement technologique qu'il faut pour aller chercher des échantillons et les ramener. Tout à fait. 2028, ça me semble pas si loin que ça. Pour la prochaine découverte scientifique marquante de l'été, tu reviens sur Terre avec une avancée prometteuse concernant les PFAS. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ce que ce sont ces PFAS? PFAS, on en entend quand même beaucoup parler. Ouais. C'est des substances perfluoroalkylées. alkylé. Donc, c'est un groupe là, de milliers de produits chimiques synthétiques, souvent appelés là, les polluants éternels, en raison de leur persistance dans l'environnement et leur accumulation dans le corps humain. Ces substances sont utilisées depuis les années 1940, puis ont des propriétés, là, pour leurs propriétés, dans le fond, imperméabilisantes, ignifuges, anti-adhésives. Tu sais, par exemple, les poils Tefal, là, les fameuses poils Tefal, ou le Gore-Tex, par exemple, c'est des choses qui utilisent des PFAS. Ces produits de consommation là, pour des emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, etc. Leur présence dans l'environnement, ben, dans le fond, est préoccupante en raison des effets potentiels sur la santé humaine, entre autres sur la reproduction, les hormones, le développement là, des fœtus, puis même des jeunes enfants, et évidemment sur l'écosystème. Ouais, donc c'est préoccupant. Donc ces produits chimiques éternels posent problème depuis longtemps. Et de quelle avancée tu veux nous parler? Ouais, ben c'est une équipe de chercheurs australiens de l'université d'Adélaïde. Adélaïde, merci, ouais, c'est ça, a trouvé une méthode pour briser ces molécules-là de PFAS dans l'eau, ce qui était très difficile là, jusque-là, là, on ne réussissait pas vraiment, là, comme c'est pour ça qu'on disait qu'il était éternel, il n'y avait pas de procédé, il arrivait dans l'environnement et il restait comme ça pendant de longues périodes. Le procédé, dans le fond, utilise un photocatalyseur. C'est un matériau qui, sous la lumière solaire, génère des radicaux libres, c'est-à-dire des atomes extrêmement réactifs, capables de briser des liaisons carbone-fluor qui rendent ces liaisons-là, qui rendent les substances si persistantes. En laboratoire, là, de manière très contrôlée, ils ont réussi à dégrader jusqu'à 99% de certains PFAS là, pour produire du fluor comme produit finaux. Puis ce fluor-là, ben aussi, ça rentre dans plein de choses, entre autres dans les dentifrices, dans des engrais, entre autres. Donc. Ben 99%, ça semble presque trop beau pour être vrai. Oui, tout à fait. Là, c'est une étape très prometteuse. C'est une étude vraiment intéressante. Mais il faut encore tester le procédé là, à grande échelle pour s'assurer de l'efficacité. Que ça soit économiquement viable, puis qu'il n'y ait aucun problème là, autre pour la santé, etc. Il faut, entre autres, là, que les photocatalyseurs soient stables, durables, capables de fonctionner là, à grande échelle. Il faut aussi capter ces PFAS-là, parce qu'ils sont souvent dans l'eau, dans l'environnement, sur une grande quantité d'eau, donc des parties infimes. Donc, il faut les concentrer, puis finalement, ben il faut trouver le rendre là un pouvoir de l'industrialiser puis de le rendre là avec un coût qui est intéressant là. Ah ouais, puis savoir qui va s'en charger, parce que les PFAS qui sont dans les lacs, qui sont déjà répandus dans l'environnement, qui va payer pour appliquer cette méthode et puis aller les chercher. Ouais, vraiment. N'empêche que c'est quand même bon, c'est la première fois que cette technique là ben qui découvre qu'on fait une technique qui est capable de dégrader ces polluants là éternels d'une façon aussi complète puis avec aussi peu d'énergie là, c'est la lumière du soleil là ou d'autres lumières là, mais on comprend là donc. Exactement. Donc après cette percée pour dépolluer l'eau de ces produits chimiques éternels, on reste dans le thème de la protection de notre environnement. Je crois que tu veux nous parler maintenant d'une autre découverte tout aussi prometteuse, mais cette fois pour aider les abeilles. Oui, c'est exactement ça, Valérie. Le 25 août, une équipe de l'Université de Oxford a présenté un super aliment pour les abeilles mellifères, là, celles qui font du miel, conçu pour maintenir la santé des colonies, même lorsque le pollen se fait rare. Les résultats là, ont été publiés là, dans Nature, là, donc c'est quand même une... Oui, c'est pas rien. C'est ça. C'est une étude d'importance. Voilà. Alors, on sait que les abeilles sont cruciales pour l'agriculture. Hein. Elles pollinisent. On n'aurait pas de fruits et légumes sinon. Exact. Mais en quoi ce super aliment va vraiment changer la donne? Mais l'objectif du super aliment était de combler les carences nutritionnelles des abeilles. Parce qu'avec les changements climatiques, l'intensification de l'agriculture, puis les monocultures qui privent souvent les abeilles de la diversité florale là, qu'on trouve normalement, puis qui ont besoin pour prospérer, ben ce phénomène-là, dans le fond, gagne en importance et de nombreux apiculteurs maintenant utilisent des substituts de pollen artificiels pour nourrir leurs abeilles, faute de pollen naturel de diversité. Cependant, ces compléments là, commerciaux sont composés de farine, de protéines, de sucre, d'huile, puis ils manquent des stérols nécessaires aux abeilles. Justement, les chercheurs d'Oxford ont ciblé ces stérols-là, et qui sont des lipides essentiels au développement des abeilles, qui se trouvent normalement dans le pollen naturel, mais qui sont très difficiles à reproduire, là, à produire artificiellement. Après une quinzaine d'années là, de recherche, l'équipe a réussi à créer, grâce à des levures génétiquement modifiées, les six stérols dont les abeilles ont besoin. Pendant 3 mois, ils ont pris ces produits-là et les ont incorporés au régime alimentaire de colonies d'abeilles. Dans des serres fermées, là, évidemment, pour s'assurer que les abeilles se nourrissent uniquement de cette nourriture-là et qu'elles n'aient pas butiné ailleurs. À la fin de l'étude, les colonies nourries avec les levures là, enrichies en stérols avaient élevé jusqu'à 15 fois plus de larves jusqu'au stade là, nymphal viable. Ça, c'est entre la larve puis l'adulte, là, le stade nymphal. Et les colonies aussi, que les colonies témoins. Les colonies nourries avec cette alimentation-là, avec le super aliment, étaient plus susceptibles aussi d'élever du couvain jusqu'à la fin de la période de 3 mois, tandis que les autres nourris avec une nourriture là, avec une carence en stérols, ben arrêtaient leur production après 90 jours. Ah ouais, donc c'est quand même des données encourageantes, mais il va en falloir beaucoup de ce super aliment et il va falloir en produire beaucoup. Est-ce qu'il est prêt à être commercialisé? Mais en fait, il reste d'autres essais là. Encore là, on est dans une étude préliminaire, quand même une bonne étude, mais quand même préliminaire. Des essais sur le terrain à grande échelle sont nécessaires là, pour voir l'impact à long terme sur la santé des colonies. Toutefois, les chercheurs estiment quand même, là, encore là, on est dans une échelle assez rapprochée, qu'un produit commercial pourrait être disponible pour les apiculteurs d'ici 2 ans. Mmh. Toutefois, bon, selon les auteurs de la recherche, les auteurs de la recherche, ben eux autres, ils sont très, très enthousiastes. Ouais. Ils disent que cette avancée pourrait stabiliser la pollinisation de près de 70% des cultures alimentaires mondiales. Toutefois, je pense que c'est important là, de mentionner que certaines voix s'inquiètent pour les pollinisateurs sauvages qui n'auront pas accès à ces super aliments. T'sais, c'est une très bonne nouvelle pour les abeilles domestiques, mais en contrepartie, on continue à perpétrer un peu ce modèle de densification d'agriculture, de monoculture. Oui. Les chercheurs, d'ailleurs, eux-mêmes là, soulignent que la solution durable reste de préserver les habitats, de diversifier les cultures, puis de réduire les pesticides, afin que, dans le fond, tous les pollinisateurs puissent s'épanouir là, dans un écosystème riche et varié. Mmh, effectivement. Puis après, ce super aliment qui aide à résister aux pénurie de pollen. On reste dans l'esprit de solutions innovantes pour la planète. Tu voulais nous parler aussi d'une avancée qui pourrait s'attaquer à un autre fléau environnemental, la pollution plastique des océans. Puis là, on en a entendu parler encore cet été. Il y avait une rencontre internationale, oui, un protocole qui devait sortir, puis finalement qui n'est pas sorti. Oui, c'est toujours... on fait un pas en avant, pas en arrière. Bon. C'est ça, la pollution plastique là, est aujourd'hui l'une des plus grandes menaces pour les écosystèmes marins. Là, on parle d'un continent de plastique. Puis souvent, ce qu'on ne voit pas, c'est les microplastiques. Là. Ça, c'est les gros morceaux, mais c'est souvent les microplastiques qui sont encore plus problématiques. Puis selon le programme là, des Nations Unies là, pour l'environnement, plus de 11 millions de tonnes de plastique se déversent dans l'océan à chaque année. Ces déchets-là se fragmentent, comme je disais, en microplastiques, puis ces petites particules-là sont intégrées dans la chaîne alimentaire, dans les planctons, dans le poisson, dans les oiseaux, puis ça remonte la chaîne alimentaire, dans le fond, jusqu'à nous. Puis on se retrouve là, ça se retrouve même dans l'eau potable, puis dans l'air qu'on respire. Ouais, c'est quand même inquiétant. Et donc là, il y a une innovation dont tu tu veux nous parler qui permettrait de dépolluer? Ouais, ben une innovation, quelque chose de positif. Hein? Ouais. Je disais que j'étais positif. Donc, en fait, il s'agit d'une découverte annoncée par l'Institut Riken au Japon en novembre 2024. Dans le fond, dans le magazine Science, bon, c'est quand même assez sérieux. Toutefois, cette innovation-là avait passé un peu inaperçue jusqu'à temps qu'il y ait une YouTubeuse, là, Cléo Abraham, qui est suivie par plus de 6 millions d'abonnés, se mette à en parler sur sa chaîne Huge If True, là, ce qui veut dire en français énorme si c'est vrai. Donc, en gros, là, les chercheurs japonais ont mis au point un plastique capable de dissoudre complètement dans l'eau de mer en quelques heures, sans laisser de microplastique ni de résidus toxiques. Ce matériau est constitué, dans le fond, de deux monomères reliés par des ponts salins. Une structure solide et durable, mais réversible, là, qui peut se redéfaire. Donc, c'est aussi un thermoplastique, ce qui veut dire qu'en le chauffant, ben, on est capable de le modeler pour faire des objets là, courants, là, de la vie courante. En variant les monomères aussi, ils ont réussi à avoir des plastiques là, avec une dureté puis une résistance variée. Mm-hmm. Puis ces ponts salins là, dont je parlais, qui tiennent les monomères ensemble, restent stables à l'air libre, mais ils se défont au contact de l'eau salée. Ah, donc, un peu comme une fermeture éclair là, chimique. Là. Donc, le résultat, c'est que si on prend un morceau de 5 cm, ben il se dissout en 2 à 3 heures dans l'eau de mer et en une dizaine de jours dans le sol. Mm-hmm. Donc, c'est quand même intéressant. Là. C'est une solution quand même assez élégante même. Mais est-ce qu'on est prêt à remplacer nos emballages avec ce plastique déjà maintenant? Mais pas encore, hein. La production à grande échelle là, devra franchir plusieurs étapes, notamment les accréditations réglementaires là, des pays et tout. Pour être franc aussi, certaines informations restaient floues. Là, j'essayais de trouver. Il y avait l'article scientifique des chercheurs au Japon, mais après ça, il y a plein de choses qui ont été dites sur ça. Et bon, est-ce que tous les plastiques qui ont été créés, là, on parlait de différents plastiques avec différentes résistances et tout ça, est-ce qu'ils se dissolvent tous dans l'eau de mer ou c'est certain un type de plastique? De plus, bon, les matériaux est décrit comme non toxiques, mais aussi on lit que la décomposition dans le sol libère du phosphore et de l'azote qui peuvent servir comme engrais. Ouais. Donc, bref, c'est une avancée prometteuse, mais bon, on est encore loin là d'une adoption massive là. Puis je dirais pas que c'est la solution miracle. Là. Je pense qu'on est encore à la réduction du plastique. Oui, c'est ça, parce que ça se décompose dans le sol, libère du phosphore et de l'azote, mais si c'est des plastiques dans l'eau, est-ce qu'on veut... si cet azote et ce phosphore se récupèrent dans l'eau, se retrouvent dans l'eau, est-ce qu'on veut ça aussi? Aussi, tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, c'est quand même une solution à suivre. Le temps passe vite. Samuel, on arrive déjà presque à la fin de ta revue d'actualité estivale, mais justement, tu veux nous entretenir d'une histoire de temps qui file plus vite. Oui, je trouve. Pour finir, hein? Donc, ouais. Le temps qui file plus vite. Donc, c'est un article que j'ai lu dans Scientific American en juillet dernier, dans lequel on apprenait que cet été, la Terre avait littéralement tourné un peu plus vite que d'habitude. Ah. Donc, les 10 juillet, 22 juillet et 5 août 2025 ont été plus courts d'environ une milliseconde. Bon, une milliseconde, c'est pas énorme, mais par rapport à la moyenne là, des dernières décennies. Bon, c'est imperceptible pour nous, mais les spécialistes ont mesuré ça avec de façon extrêmement précise, puis ont vu que bon, ça avait bougé des millisecondes. Et une milliseconde, en fait, qu'est-ce qui peut bien accélérer un objet aussi massif que la Terre? Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû, cette accélération? Ouais, ben dans le fond, il y a plusieurs facteurs là, qui s'additionnent. Tout d'abord, il y a le noyau terrestre, c'est-à-dire la partie interne solide là, entourée de la couche plus fluide, qui semble ralentir un peu, ce qui pousse la Terre à compenser en tournant légèrement plus vite. Là, on parle de phénomènes là, qui agissent sur des échelles de temps de plusieurs années, plusieurs décennies. Tu vas peut-être me demander, Valérie, comment on sait que le noyau ralentit, hein? Mm-hmm. Donc, en fait, c'est un domaine de recherche actif parce qu'on ne peut pas le voir directement, le noyau. Mais avec des données sismiques, ça suggère dans le fond que le noyau interne a légèrement ralenti depuis une vingtaine d'années. Mais il n'y a pas de consensus unique sur la cause, pourquoi le noyau ralentit. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une combinaison de mouvements du métal fondu, de variations de champ magnétique et d'interactions avec le manteau. Puis, il y a aussi l'atmosphère, dans le fond. Les vents d'ouest, le jet stream qui change selon les saisons, influencent aussi la rotation. En été, dans l'hémisphère nord, le jet stream devient plus lent, ce qui a via le principe là, de conservation du moment angulaire oblige la partie solide de la Terre à tourner un peu plus vite. Bon, c'est quoi ça le principe de conservation du moment angulaire? On peut le comparer un peu là, au geste du patineur artistique là, qui fait une pirouette. Là. Donc, quand il garde les bras écartés, il tourne plus lentement, mais une fois qu'il rapproche les bras proche de lui, ben, il va tourner plus rapidement. Ben, la Terre agit un peu comme un immense patineur, si on veut, soumis au même principe. Quand des masses d'air comme le jet stream se déplacent vers des latitudes plus proches de son axe de rotation, c'est un peu comme si la planète rapprochait ses bras, puis il tourne un peu plus vite. Bon, ces ajustements-là, on s'entend là, que c'est infime, là, mais ils sont suffisants pour raccourcir ou influencer la durée de jour de quelques millisecondes. Finalement, un dernier facteur, c'est la Lune et les marées. La gravité de la Lune là, tire sur nos océans. Là, on connaît bien le phénomène des marées, ce qui exerce une friction sur la Terre. Bon, bien qu'à long terme, sur des millions d'années, la friction ralentit la rotation terrestre, ben des petites variations comme ça de la Lune, là, de la position de la Lune plus au nord ou plus au sud, ben peut déplacer les masses d'eau, puis accélérer ou ralentir de quelques... C'est ça, la rotation, là, dans le fond. Ouais, là. Donc ça veut dire que nos journées ne sont pas vraiment de 24 heures fixes. Oui, exactement. Ben la seconde, tu sais, on calcule notre temps. La seconde, elle est définie par les vibrations d'un atome de silicium, mais la rotation de la Terre, elle, ben elle varie. On pourrait penser que puisque c'est vraiment des écarts minuscules de l'ordre de des millièmes de seconde, bon, c'est surtout une curiosité scientifique, mais c'est quand même important pour les GPS puis les systèmes de navigation qui doivent connaître exactement la position exacte autour de la planète de ces objets célestes. Là, C'était vraiment très intéressant cette revue d'actualité scientifique de l'été. Samuel, je te remercie beaucoup parce qu'il y avait vraiment des choses qui, moi, m'avaient échappé, en tout cas, notamment cette découverte que la Terre ne tourne pas toujours exactement à 24 heures par jour. Alors, on va faire une petite pause.